السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب شكاية الجار. Nous entamons le chapitre numéro 59 et nous poursuivons l'étude de Sahih al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Chapitre La plainte du voisin. Non. D'accord, donc on reprend au chapitre 68, la plainte du voisin. La plainte du voisin. La plainte du voisin a lieu de par les nombreuses nuisances reçues, de par le mal vu, observé ou subi. Et arrive le moment où il ne supporte plus les troubles du voisinage. Il se voit donc dans l'obligation de se plaindre à celui qui détient l'ordre, à celui qui peut mettre fin à son malheur. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous mentionne le hadith d'Abi Hurayrata radiallahu anhu, dans lequel il nous dit « Qala rajulun ya Rasulallah » إن لي جارا يؤذيني فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. أبو هريرة رضي الله عنه nous dit: un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt un homme dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, j'ai un voisin qui me fait du tort. Il a dit: va et sors tes affaires sur le chemin. Va et sors tes affaires sur le chemin. La personne s'en alla et sortit ses affaires sur la voie publique. Les gens se rassemblèrent autour de lui et demandèrent: que se passe-t-il? Il répondit: j'ai un voisin qui me cause du tort. Et je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit: va et sors tes affaires sur le chemin. Alors ils dirent: ô Allah, maudis-le et avilis-le. Ceci parvint au voisin qui vint alors voir la personne. Il lui a dit: retourne chez toi. Par Allah, plus jamais je ne te causerai de tort. Dans ce hadith, Abu Huraira radiallahu anhu nous raconte l'histoire d'un homme qui s'est plaint des nuisances de son voisin. Et probablement de grosses nuisances, car il s'en est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est parti lui demander comment agir dans cette situation. Il n'a pas agi de son propre chef, mais il est revenu aux gens de science pour être orienté et pour être sûr de ne pas transgresser les limites d'Allah azza wa jal. Et ceci fait partie du iman, ceci fait partie de la foi, ceci fait partie de la taqwa, ceci fait partie de la piété. lorsque tu es éprouvé, de rester dans les délimitations fixées par ta religion, par ta législation. Il lui a donc demandé quoi faire. Les Sahaba ne suivaient pas leurs passions et n'étaient pas soumis à leurs émotions. Mais en cas de difficulté et d'épreuve, ils revenaient au Coran et à la Sunna, comme Allah Azza wa Jalla leur a ordonné en Coran. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a donné comme remède: In tariq fa akhrij mata'aka ila tariq. Va et sors tes affaires sur la voie publique. Ceci, sans aucun doute, suscite l'interrogation. Ceci, sans aucun doute, est étonnant auprès des gens. C'est-à-dire de trouver une personne qui sort ses affaires sur la voie publique. Et sans aucun doute, il va se passer ce que le prophète sallam avait pensé, c'est qu'ils vont l'interroger. Ils lui ont demandé, « Mash'anouk, que t'arrive-t-il ? Comment se fait-il que tu sors tes affaires sur la voie publique ?» Et là, il a mentionné la cause. « J'ai un voisin qui me cause du tort. Tout ce que vous voyez, l'état dans lequel je me retrouve, j'étais préservé chez moi et vous me voyez ici, sur la voie publique, tout cela à cause du mal que m'a fait subir mon voisin. » Ici, le compagnon mentionne son voisin et cite ses défauts car il est mazloum, car il est opprimé. Et l'opprimé fait partie des quelques catégories qui permettent, l'injustice fait partie des quelques catégories qui permettent la mention d'autrui en mal sans que ça ne soit de la médisance interdite. Sans que ça ne soit de la médisance interdite. Celui qui se rend chez le juge et doit plaider sa cause va citer des points négatifs sur autrui. Et cela ne sera pas interdit. Il mentionne le nécessaire. Il mentionne le nécessaire. Ici, le compagnon mentionne le nécessaire. La cause de ce qui cause, ou la mention de ce qui cause l'étonnement des gens. L'étonnement des gens. C'est qu'il a un voisin qui lui cause du tort. Et remarquez qu'il n'a pas mentionné au-dessus de la nécessité. Il n'a pas donné beaucoup de détails. Il n'a pas cherché à alourdir le dossier de son voisin. Mais il s'est contenté de mentionner la chose. Et cela fait partie de la préservation de la langue et de son contrôle. Que s'est-il passé lorsque les gens ont vu où a mené l'injustice du voisin sur son voisin? Ils se sont mis à le maudire et à invoquer Allah Azza wa Jal contre lui en disant: Allahumma l'anhu, Allahumma akhzi, ou ikhzi, ou Allah maudit-le, c'est-à-dire éloigne-le de ta miséricorde, ou Allah khzi, yani avilis-le. À force que les gens fassent cela, l'information parvint au voisin injuste. Et là, il est venu et a dit à son voisin, il est venu à dire à son voisin, retourne chez toi. Il a juré par Allah pour appuyer son information et montrer sa véracité, je ne te causerai plus jamais de tort. Et vous remarquerez les invocations des compagnons contre cette personne. Car pour eux, les nuisances du voisinage étaient gravissimes. Et le fait qu'il en arrive à sortir de chez lui, c'est que les nuisances ont atteint le paroxysme du mal. Ils ont donc fait dua contre lui. Et comment se fait-il que l'information lui est parvenue? C'est par la multitude de gens qui ont transmis ce message et qui ont été en colère pour la cause d'Allah Azza wa Jalla. On voit à travers ce hadith la gravité et la grande menace qui pèse sur celui qui nuit à ses voisins au point où ils sont dans l'obligation de se plaindre de lui et de son mal et de parler sur lui. Il se peut même, comme c'est dans le hadith ici, qu'on invoque Allah Azza wa Jal en sa faveur. Barakallahu fikoum. عن أبي جحيفة قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه فجعل كل من مر به يلعنه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه. Selon Abu Juhfa, un homme s'est plaint de son voisin auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Prends tes affaires et mets-les sur le chemin. Quiconque passera le maudira. » Et chaque personne qui passait près de lui maudissait le voisin. Ce dernier se rendit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Voilà comment j'ai rencontré les gens. » Il lui a dit « Et la malédiction d'Allah est au-dessus de leur malédiction. » Puis il a dit à celui qui se plaignait « Cela te suffit-il ?» La traduction adéquate de la fin est plutôt « Te voilà suffit ». Yani, Allah t'a suffi. Allah t'a préservé à repousser ce mal. Kufita, c'est-à-dire tu as été préservé. On t'a accordé la suffisance. Yani, face à ton problème. Donc ce hadith, comme on le voit, c'est le même sens. On voit le remède du prophète alayhi salatu wassalam, sa sagesse dans la gestion du conflit. Tu trouves chez nous des conflits de voisinage où il y a de longues heures de médiation. Puis ça arrive aux autorités, ça arrive au tribunal, il y a des jugements, il y a des témoignages, tantôt vrais, tantôt mensongers. Et à la fin de tout cela, il y a quoi? L'inimitié. Il y a la haine, il y a les conflits, ça peut aller très loin. Peut-être que ce conflit est hérité génération après génération et la haine génération après génération. Ici, en une recommandation, le prophète sallam a mis fin au problème. Donc le remède, tout le remède, se trouve dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans le hadith, naam, dans le hadith, on nous dit, lorsque le prophète a questionné celui qui causait les nuisances, il a dit, les gens, en gros, l'ont maudit. Tous ceux qui passaient le maudissaient. Le prophète lui dit, et la malédiction d'Allah est au-dessus de celle-ci. Ici, ça, c'est ce que tu as rencontré des gens. Ceux qui t'attendent chez Allah, azawajal, si tu restes sur ce mauvais chemin, est encore plus lourd et plus grave pour toi. Ça, sans aucun doute, celui qui a du iman, celui qui a de la piété et qui a peur de rencontrer Allah azawajal avec des injustices, ça va le secouer et faire en sorte qu'il se remette en question. Certaines personnes ont besoin que leur situation soit exposée, na'am, pour revenir à Allah azawajal. D'autres personnes, leur suffit de savoir qu'ils ne sont pas en accord avec ce qu'Allah aime. Et ça, c'est un niveau de foi au-dessus. À l'inverse, certaines personnes, que ce soit su ou non, de par leur manque de pudeur, ne se soucient aucunement. Pourquoi? Parce qu'ils font les péchés en public. Ils font les péchés en public. Certains se cachent, ils sont dans le haram, mais à un niveau moindre, car il reste de la pudeur. Mais d'autres ne se cachent même plus. À force de faire les péchés, sa pudeur tombe. Sa gêne se dissipe, alors il commet les péchés en public. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait, toute ma communauté peut espérer le pardon, sauf ceux qui commettent leurs péchés en public. Allahu musta'an. Le chapitre suivant, Babun man aza jarahu hatta yakhruj. Le chapitre suivant, celui qui cause du tort à son voisin jusqu'à ce qu'il sorte. Celui qui cause du tort à son voisin jusqu'à ce qu'il sorte. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il s'en aille. Subhanallah, il déménage. Peut-être qu'il a acheté un logement, peut-être qu'il a acheté une terre, il a construit une maison. Mais son voisin est tellement, mada, est tellement nocif et insupportable qu'il en arrive à quitter son logement, il en arrive à quitter sa maison, peut-être même à la vendre à perte. Pourquoi? Pour espérer la paix. Celui qui prend un logement, qui l'achète, qui loue, qui... il souhaite le repos. Il souhaite être préservé chez lui. Lui, ce dernier-là, ne trouve pas ça, pas à cause de son foyer, à cause d'un foyer voisin. À cause d'une personne qui devait lui donner son droit, le préserver, le toucher de sa bienfaisance et le préserver de ses nuisances, comme on l'a étudié dans beaucoup de chapitres. Et de se comporter ainsi, de faire fuir ses voisins. Naam, c'est un chemin qui est maudit, c'est un chemin qui mada, qui encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne le hadith an Abi Amir al-Himshi qal kana thawbanu radiyallahu anhu yaqul ma min rajulayn yatasaramani fawqa thalathati ayyam فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. إسي ثوبان رضي الله عنه نودي. Il n'y a pas deux personnes qui se disputent en rompant les liens au-delà de 3 jours sans que l'une des deux soit vouée à sa perte. Sans que l'une des deux soit vouée à sa perte. Si toutes les deux, ces personnes, meurent dans cette situation de rupture, c'est-à-dire ils ne se parlent plus, alors les deux sont voués à leur perte. Alors les deux sont voués à leur perte. Et il n'y a pas un voisin qui commette une injustice envers son voisin et l'accable jusqu'à ce que celui-ci soit poussé à quitter sa demeure sans qu'il ne soit aussi voué à sa perte. Dans ce athar de Thauban, le noble compagnon du prophète alayhi salat wa salam, il y a deux grandes informations. Quant à la première, c'est la gravité de rompre les liens et de ne plus se parler. La gravité de rompre les liens et de ne plus se parler. Ici, Thauban nous dit au-dessus de 3 jours. Pourquoi cela? Car le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit il n'est pas permis à un musulman de boycotter son frère plus de 3 jours. Les deux se rencontrent, celui-ci se détourne et celui-là se détourne. Mais il nous dit, et le meilleur des deux est celui qui commence par le salam. Donc, le boycott se coupe avec quoi? Avec la salutation. Tu renoues le contact en commençant par quoi? La salutation. Alors, ça me dit, le meilleur des deux, c'est celui qui commence par le salam. Donc, la limite religieuse, en cas de divergence, en cas de dispute, si tu veux t'éloigner de la personne pour une raison ou une autre, c'est 3 jours. C'est 3 jours. Ceci dans le cas où la discorde repose sur une chose de dunya. Par contre, si c'est une chose du din, alors le temps sera régi par la sagesse. Le temps sera évalué par la sagesse. Dans le célèbre hadith de Ka'b ibn Malik, lorsqu'ils ne sont pas partis à la bataille de Tabouk, lui et ses deux compagnons, le prophète alayhi salat wa salam n'a-t-il pas ordonné aux compagnons de les boycotter durant 40 jours? N'est-ce pas? Pas 3 jours. Comment unir entre les deux hadiths? Le premier, 3 jours, c'est quand c'est une chose de dunya. Le second hadith, c'est une cause religieuse. Non, c'est une cause religieuse. Et dans la réforme de l'épouse et la réforme du foyer, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans la Sunna, nous enseigne quoi? Al-Hajr après l'exhortation. Le boycott. Et il peut dépasser 3 jours. Non. Et Mada, différents textes et les chapitres sur le comportement envers les gens des passions et les gens de l'innovation. Naam, il y a le consensus des savants sur le fait de les boycotter, de s'éloigner d'eux. Naam. Donc tout cela est sujet et comment dire, est évalué par quoi? Par la sagesse des ulama, des savants. Ça peut être 1 mois, ça peut être 1 jour, ça peut être 1 an, ça peut être à vie. Naam, ça peut être à vie. Et le fait de ne pas parler à la personne, ça peut être pour ton intérêt, toi, pour te préserver de son mal. Naam, ça pourrait être pour son intérêt à lui. Car s'il réfléchit, tu es une personne de bien, tu t'éloignes de lui, c'est qu'il a un mal qu'il doit délaisser pour que tu reviennes à lui. Naam. Aussi, les gens te prendront pour exemple et s'éloigneront également de lui, parce qu'il est dans le mal, et son mal, yani, pour qu'il le délaisse, et pour son bien, c'est une rahma pour lui. Ou c'est pour préserver les musulmans de son mal, comme c'est le cas pour les gens de l'innovation. Quoi qu'il en soit, ce chapitre doit être étudié sous ses différents angles afin de ne pas prendre une partie des textes et d'en délaisser une autre. Barakallahu fikum. Pour revenir au Athar, pourquoi est-ce qu'il a mentionné 3 jours? Parce que le Prophète n'a pas permis de boycotter son frère musulman plus de 3 jours. Et il nous dit, s'ils sont dans cette situation, un des deux périt. C'est qui? C'est l'injuste. Mais il continue en disant quoi? Mais si ils sont dans cette situation et que les deux meurent, à ce moment-là, il n'y a plus de réconciliation possible, il n'y a plus de réforme possible, ben les deux peuvent périr. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de dépasser 3 jours. Peut-être qu'ils ont dépassé, peut-être que c'est avant. Naam. Mais si on ne fait pas les causes de la réconciliation, à ce moment-là, les deux peuvent se retrouver coupables. Les deux peuvent se retrouver coupables. Et souvent, c'est une affaire d'ego. Pas toujours, mais souvent, c'est une affaire d'ego. C'est une affaire de personne. Naam, c'est que la personne se voit trop haute pour pouvoir se rabaisser. Mais Allah est au-dessus de toi. Tu es forcément petit. Si tu le fais pour la personne, oui, peut-être que tu vas la voir trop basse par rapport à toi. Mais si tu le fais pour Allah, Allah Azza wa Jalla est au-dessus de tout. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Allah Azza wa Jalla, c'est le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Ar-Rahman wa al-Arshi stawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Donc, tu coupes, tu casses ce boycott, tu reviens vers la personne, tu lui passes le salam. Oui, mais il m'a fait, oui, mais il m'a dit, oui. Tous les oui, mais tu les laisses. Et tu regardes la récompense qui t'attend chez Allah Azza wa Jalla. Et tu reviens. Et tu reviens. Sauf si la sagesse, c'est de ne pas revenir pour éduquer la personne ou parce que son acte est grave et ainsi de suite. Likulli maqamin maqam. Chaque situation a sa parole adéquate. Là. Donc on comprend ici que c'est lorsqu'il n'y a pas de cause valable ou de cause religieuse valable. On ne détaille pas ce point-là parce que dans le livre, il y a des chapitres à cet effet qui arriveront, incha'Allah ta'ala. Et la partie témoin du hadith est la suite, du athar est la suite. C'est que وَمَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارٍ. Il n'y a pas de voisin qui opprime son voisin. Na'am. Et l'accable ou se met au-dessus de lui. Il lui fait du tort, mais l'autre n'a même pas. Et il n'arrive pas à se défendre. Il est faible ou il a honte, et ainsi de suite. Certains ont honte de se défendre. Naam. Ou certains sont doux et gentils. Alors le voisin juste en profite et en rajoute, et lui nuit. حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِ اللَّهَلَكَ. Jusqu'à ce que cela le pousse à plier bagage, à quitter le logement, alors il périt. Qui périt? C'est le voisin qui est injuste. C'est le voisin qui est injuste. Donc, parmi les causes de l'anéantissement, le fait de rompre les liens entre les croyants, parmi les causes de l'anéantissement, le fait de causer du tort à son voisin au point qu'il se voit dans l'obligation de quitter son domicile et de se mettre à la recherche d'un autre logement. Il a tellement été opprimé qu'il ne peut plus rester dans cet endroit. Peut-être qu'il ne voit plus sa famille en sécurité à côté de ce voisin. Peut-être qu'il ne trouve plus le repos à côté de ce voisin. Peut-être qu'il ne voit plus ses biens en sécurité à cause de ses voisins. Et il redoute son mal. Et subhanallah, il y a quelques mois, j'ai rencontré un frère, que je pense à la base du 95, et il me dit, je suis à la recherche active d'un logement. Je lui dis, inshallah, on va essayer de trouver ça, de s'adresser au Samsar, ainsi de suite. Et subhanallah, lorsqu'il m'a mentionné sur ça, j'ai vu la détresse dans son visage. Et c'est un homme fort, c'est un homme grand, mashallah. Mais voyez comment un voisin peut nuire au quotidien d'un homme et de sa famille. Activement, activement, est-ce que tu peux trouver, est-ce que tu as des contacts, est-ce que tu vois la détresse sur la personne. Tu connais même pas son voisin, tu penses du mal de lui, et comme dans le hadith, tu as envie de le maudire et de faire du'a contre lui. Parce qu'il trouble la sérénité, la tranquillité d'une famille entière. Ce sont des gens qui ont des épouses, qui ont des enfants, qui ont... Subhanallah. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السُّوءِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ نَكُونَ مِنْهُمْ. On cherche refuge auprès d'Allah contre le mauvais voisin, et on cherche refuge auprès d'Allah afin de ne jamais en faire partie. Afin de ne jamais en faire partie. Le chapitre suivant, Babun Jarul Yahudi. Le chapitre suivant, le voisin juif. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous étudions des chapitres sur la bienfaisance envers le voisin. Et ces textes ont été mentionnés alors que le prophète est à Al-Médine et ses voisins sont des musulmans. Mais y avait-il que des musulmans à Médine? Non, il y avait des tribus juives également. Comme au début, Banu Qaynuqa', comme au début, Banu Nadir, et enfin, Banu Qurayza. Dans le cas où tu as parmi tes voisins une personne qui n'est pas musulmane, est-ce que cela signifie que tous les hadiths que nous avons étudiés jusqu'à présent, les hadiths de bienfaisance, préserver nos voisins de la nuisance, est-ce qu'ils s'appliquent que sur le musulman? Ou cette législation est tellement une législation de miséricorde, de bienfaisance, qu'elle se répercute même sur ceux qui n'y adhèrent pas et qui n'adorent pas Allah seul d'un culte sincère et qui ont choisi le polythéisme au monothéisme. L'imam al-Bukhari nous mentionne ce hadith pour nous montrer de la splendeur de l'islam, de la miséricorde, de la bonté de l'islam, et que son bien, que tu le veuilles ou non, resplendit même sur celui qui n'est pas musulman. Donc comment se comporter envers le voisin qui n'est pas musulman? L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit, « An Mujahid rahimahullah, qala kuntu inda Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma, wa ghulamuhu yaslakhu shatan, faqala ya ghulam, idha farahta fabda bijarina al-Yahudi, faqala rajul min al-qawm, al-Yahudi, aslahaka Allah, قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. مجاهد رحمه الله تعالى نودي جت شي عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما اي son servant, ou bien un jeune homme, Naam. Dépeçait une brebis. Dépeçait une brebis. Il lui a dit, « Ô jeune homme, lorsque tu auras terminé, commence par notre voisin juif. » Quelqu'un parmi les gens a dit, « Le juif ? Qu'Allah te réforme ?» Il répondit, « Oui, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommander le voisin jusqu'à ce que nous avons craint qu'il hérite. » Dans ce hadith, Abdullah ibn Amr dit à la personne, dit à celui qui dépeçait la bête, une fois que la bête sera prête, c'est-à-dire à être découpée, distribuée parmi nos voisins, apprêtée à la sadaqa, apprêtée à la hadiya, commence par notre voisin juif. Il lui a pas dit « donne-en » au voisin juif, il lui a dit « commence par notre voisin juif ». Un homme, dans l'assise, s'est étonné. Allez, il commence par le juif avant les autres. Ceci est une affaire étonnante. Et il lui a fait une dua. Naam. Il lui a fait une dua parce qu'il l'a pensé dans la faute. Et de cela, tu comprends que lorsque tu fais un rappel à une personne, lorsque tu lui fais un rappel en pensant qu'il s'est trompé ou autre, il est bon d'accompagner la parole par une dua. Par exemple, fais attention, aslahak Allah. Fais attention qu'Allah te réforme. Mais allez, tu accompagnes la demande, d'accord ? L'injonction ou la demande, par quoi ? Par une dua pour lui, afin qu'Allah Azzawajal lui facilite ce qui est en conformité avec cela. Et on dit bien si tu le penses dans l'erreur. Car comme on le verra dans ce hadith-là, il n'était pas dans l'erreur. Donc il est bon d'être humble. Lorsque tu parles à une personne, il est bon d'être humble. Tu lui dis, selon ce que je sais, par exemple, ou selon ce que nous avons étudié, ou à la limite de mes connaissances, ceci et cela. Mais j'ai remarqué que toi, tu as fait ça. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Est-ce qu'il y a une sagesse peut-être que j'ignore ? Est-ce que tu peux... Subhanallah. Là, il y aura un bon échange. Mais si tu lui dis, t'as fait ça, c'est une erreur. Il y a un hadith. T'as fait ça, c'est une erreur. C'est pas ce qu'on a vu. Non. Mets-toi dans la position du pauvre face à la science. Mets-toi dans la position du besogneux. وَمَا أُوتِي تُو مِنَ الْعِمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il nous a été accordé de science que très peu. Donc c'est ainsi que tu dois t'adresser aux gens dans le domaine des connaissances. Accuse ta personne d'ignorance. Et ne viens pas avec le vêtement de celui qui connaît tout. Ne viens pas avec le vêtement de celui qui connaît tout. Et Abdullah ibn Amr lui a dit, il lui a répondu en lui citant simplement un hadith. Il lui a répondu en lui citant simplement un hadith. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire des recommandations à l'égard du voisin jusqu'à ce que nous avons eu peur qu'il lui donne accès à l'héritage. Naam. On voit ici l'intelligence des compagnons. On voit ici l'intelligence des compagnons. Puis on voit la grande compréhension de l'islam de l'imam al-Bukhari dans le hadith. Lorsque le prophète leur a fait des recommandations sur le voisin, est-ce qu'il a dit le voisin musulman seulement ou il a laissé de manière générale? Il a laissé de manière générale. Donc l'imam al-Bukhari utilise ce hadith pour ce chapitre. Car Abdullah ibn Omar avant lui a utilisé ce hadith pour ce chapitre. Et c'est ainsi que sont les savants. Les uns prennent des autres qui les ont précédés. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et on a fait d'eux des imams qui observent la guidée selon notre ordre. Comment ils sont des imams et eux-mêmes suivent? Comment, s'ils sont des imams, ils peuvent suivre? Car chaque imam, pour être imam, doit suivre son imam à lui également. Chaque savant, pour être savant, il doit être l'ignorant du savant d'avant lui. tant qu'on est humble et petit devant celui qui nous a précédé, ou ça peut être même le contemporain, eh ben on peut espérer être bien guidé, on peut espérer devenir imam. Quant à celui qui voit qu'il est au-dessus de tout le monde et qu'il n'a pas besoin des anciens, hein, et qu'il s'auto-suffit, cela est le début de l'égarement. Cela est le début de l'égarement. Naam. Beaucoup parmi les prêcheurs, beaucoup parmi les étudiants, commencent et disent « Moi, je ne précède aucun savant. Moi, kada. » Et dès qu'il dit une parole, « Je dis ça parce que Shira dit ça. » Il répond avec les paroles des savants. Et petit à petit, il commence à s'émanciper et se sentir des ailes poussées. Naam. Ce sont des poils, ce ne sont pas des ailes. Tu ne peux pas voler, tu ne peux pas te délier du maillon mada d'or, de la chaîne d'or de tes pieux prédécesseurs, de tes anciens. Si tu brises cette chaîne, tu péris. Si tu brises cette chaîne, tu péris. C'est comme l'arche de Noé. Celui qui monte est sauvé. Si tu veux dire qu'il y a les savants et toi, t'es à part, tu vas périr. Comme ceux qui ont refusé de monter sur l'arche de Noé, de Noé, alayhi salam, ont péri. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit: "La yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi min Allah yuhibbu al-muqsitin." Dans sourate Al-Mumtahina, Allah Azza wa Jalla nous dit: "Allah ne vous interdit pas. Allah ne vous interdit pas, c'est-à-dire d'être bienfaisant à l'égard de ceux qui ne vous combattent pas pour votre religion et ne vous font pas sortir de vos demeures. D'être bienfaisant envers eux, d'être équitable envers eux. Certes, Allah aime les gens équitables. L'islam appelle à la bienfaisance envers l'ensemble des gens. Naam. Et te comporter avec excellence envers eux, yani qu'ils témoignent de ta générosité, de ta bonté et autres, naam, est une grande cause pour que leur cœur penche vers l'islam et que leur regard découvre la splendeur de cette religion. Wallahu al-muwaffiq. Ici s'arrêtent les chapitres relatifs au droit du voisin, à l'obligation de la bienfaisance envers les voisins et à l'interdiction de causer des nuisances aux voisins. L'éducation qu'on doit avoir, Ikhwan al-Kiram, lorsqu'on étudie, ça ne doit pas être de chercher quand est-ce qu'on finira le livre. Mais plutôt, quand est-ce que je vais comprendre le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, quand est-ce que je vais l'appliquer et quand est-ce que je vais me rapprocher du tout miséricordieux. Chaque chapitre que tu étudies ici, en sortant de cette assise, tu dois te remettre en question. Et tu dois te poser cette question. Où suis-je devant le hadith du prophète, alayhi salam, mon imam, mon guide, celui qu'Allah m'a envoyé en tant que miséricorde pour les vôtres? Est-ce que j'ai appliqué ce hadith? Est-ce que je suis dedans ou pas? Si oui, dis Alhamdulillah. Parce que n'eût été Allah, tu n'aurais rien eu de ces qualités. Si oui, mais il y a des imperfections, remercie Allah et demande à Allah le rajout et la reconnaissance, une des grandes causes de rajout. Sinon, demande pardon à Allah Azza wa Jal. Et demande à Allah Azza wa Jal qu'il te joigne au nombre des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce chapitre. Pour chaque hadith, Ikhwan al-Kiram, on doit se poser cette question. Et certes, il y a des textes qui auront un effet sur nous qui nous donnera une amertume. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas dedans. Certains textes vont nous réjouir parce qu'on va dire, Alhamdulillah, moi j'ai un peu de cela. J'espère qu'Allah l'accepte de moi. Il faut que je développe plus de sincérité et qu'il faut parfaire cela, ces qualités. Mais des fois, on est aux antipodes du texte. Hein? Peut-être un parmi nous n'a jamais donné un bout de pain, une bouteille d'eau, une bouteille de jus, une brique de lait au voisin ou un gâteau. Il y a ni des choses qui sont pas forcément coûteuses. Pourquoi? On est gêné, on n'a pas l'habitude, on n'a pas grandi dans ça, on a mille excuses. Oui, mais là on est musulman, le prophète nous enseigne, le prophète nous éduque. Et si on n'a pas grandi dans ça, eh bien on va maintenant grandir dans ça. On va maintenant vieillir dans ça. Où est le problème? Il y a un commencement à beaucoup de choses. Il y a un commencement à beaucoup de choses. Je ne dirais pas à toutes choses. Naam. Car Allah Azza wa Jal, c'est l'awwal. Laysa qablahu shay. Allah, c'est le premier. Rien n'est avant lui. Donc, il y a un commencement à toute chose. Naam. Parmi les choses créées, naam. Mais de manière absolue, non. Comme la remarque qui m'a été faite par un de nos frères, c'est tout est relatif. Naam. Il m'a dit que sa sœur lui a donné comme fa'ida, jazahallah khayran, que cette phrase est erronée. Naam. Tout est relatif, il y en a dans le sens, tout peut être remis en question. Tout. Non. Afillahi shakkun. Y a-t-il des doutes sur Allah, créateur des cieux et de la terre? Non, c'est pas tout qui est relatif. Certaines choses sont relatives. Certaines choses sont relatives. Donc il y a des expressions à travers lesquelles on pense gagner en éloquence. Or, c'est ma'adha, c'est mal. C'est mal. La beauté ne peut resplendir que dans l'entonnoir de l'islam. Si ça passe, que dans le filtre de l'islam, si ça passe, ça resplendit dans le cas contraire. Aussi beau soit cette chose à l'oreille, naam, le filtre de l'islam va te montrer ce qui est réellement beau. Barakallahu fikum. Le chapitre suivant, Babul Karam. Babu El Karam. Le chapitre de la noblesse. Quelle traduction ont-ils mentionné ici? Naam, la noblesse. Qu'est-ce que el karam? Naam, l'auteur ici nous mentionne ce chapitre pour nous montrer la place du karam en islam, son mérite et sa grandeur dans cette noble législation. El karam, à la base, c'est kathratul khayr. C'est la multitude de biens. El-Karam, c'est la multitude de biens. Et sa réunion, et sa ma'adha, sa pluralité dans une chose. Naam. Sur la personne, disons. C'est quoi El-Karam? C'est la multitude de biens, de qualité, et sa pluralité sur une personne. C'est ça le karam à la base. Naam. Si beaucoup de nobles qualités se réunissent sur une personne, c'est ce qu'on appelle el karam. Et on dira de lui qu'il est karim. On dira de lui qu'il est karim. Et qu'elle est karima. Donc, une diversité de nobles caractères et de belles qualités se réunissent sur cette personne. Naam, c'est ce qu'on appelle el-karam. Donc el-karam, ça ne nous indique pas une chose, mais une multitude de bonnes choses qui se réunissent sur une personne. Et non, el-karam n'est pas simplement la quoi? La générosité. Ça, c'est el-joud. Hein? C'est el-joud. Tu dis, lui, il est jawad. Naam, il est généreux. Et les gens utilisent karim pour généreux. Or, El-Joud, c'est une partie du karam, non pas le karam. N'est-ce pas? El-Joud, la générosité, c'est une partie du karam, de la noblesse. Et ça n'est pas la noblesse dans son entièreté. Barakallahu fikum. L'imam al-Bukhari nous dit, an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala. Écoutez ce hadith magnifique. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ayyun nasi akram? قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف قال فأكرم الناس يوسف في رواية إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم dans l'autre يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. Dans ce magnifique hadith, Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, on demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les gens les plus nobles? Il répondit, les gens les plus nobles auprès d'Allah sont les plus pieux. Ils dirent non, nous ne t'interrogeons pas sur cela. Il a dit alors, La personne la plus noble fut le prophète Youssouf. Prophète, fils d'un prophète d'Allah, lui-même fils d'un prophète d'Allah, lui-même fils de Khalilullah. À savoir, ou plutôt finissons la traduction, dans une version, le noble, fils du noble, fils du noble. Ils dirent à nouveau, non, ou plutôt, nous ne t'interrogeons pas sur cela. Il demanda, c'est donc au sujet du joyau des Arabes que vous m'interrogez? Ils acquiescèrent, oui. Alors il leur dit, les plus nobles d'entre vous dans la période anti-islamique sont les plus nobles d'entre vous dans l'islam, dès lors qu'ils comprennent la religion. Dès lors qu'ils étudient au point de comprendre la religion. Allahu Akbar. Abu Hurayra radiallahu anhu nous transmet ce noble hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel des gens dirent au prophète sallam, au message d'Allah, qui sont les gens les plus nobles? Ici on voit on voit la motivation des compagnons quant à la recherche de la science. Tantôt le prophète sallam venait et les exhortait, mais ici ils sont venus, ils se sont déplacés, et comme le disait Abdullah ibn Abbas, la science c'est à toi d'aller vers elle, c'est pas à elle de venir à toi. Aujourd'hui, beaucoup sont touchés malheureusement par la paresse et se sont complets, si cela se dit ainsi, dans la dunya. Dans la dunya. Et ils pensent que le din doit venir à eux et ils n'ont pas à bouger, à avoir les pieds sous la table, le meilleur des climats, à boire dans la main droite et à manger juste à côté à droite. Mais subhanallah, va vers la science. Va vers la science. Recherche la science, demande la science. Cherche qui a de la science et puise en lui cette science. Comme l'homme qui vit dans un village où il n'y a qu'un seul puits et au quotidien, il doit se ravitailler en eau. Vois-tu comment il serait? Il serait motivé, déterminé. Il va chercher l'eau pour lui, pour sa famille. C'est une nécessité. Tu dois rechercher la science, tu dois te déplacer, tu dois aller interroger sur ta religion. En commençant par ce qui est obligatoire au quotidien, ce qui va te servir à adorer Allah au quotidien, la connaissance d'Allah, la connaissance de l'islam, la connaissance du prophète, la purification de la croyance, le tawhid, les piliers de l'islam, les piliers de la foi, la purification, les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière. Et tout ce dont tu as besoin au quotidien. Tu dois aller vers la science. Tu dois chercher où tu peux étudier la science. Naam. Tu dois chercher auprès de qui on cherche la science. Auprès des gens de la sunna. Tu dois chercher ce que tu dois étudier. Est-ce que tout le monde doit étudier l'aqida, la purification de la croyance. Est-ce que tu as la langue arabe? Tu dois étudier la langue arabe. Est-ce que tu sais lire et écrire? Tu dois étudier l'arabe. Est-ce que tu sais lire le Coran? Tu dois étudier le tajwid. Tu connais le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu dois étudier la sirah. Tu dois te purifier des impuretés, tu dois étudier la purification, tahara. Tu dois prier, tu dois étudier salat, tu dois jeûner, tu dois étudier le siyam, tu dois sortir, tu as des biens, tu dois étudier le zakat. Tu dois étudier l'amra, le hajj. Tu as tes parents, tu dois étudier birr walidayn, ils sont décédés, tu dois quand même étudier birr walidayn. Parce qu'il y a birr walidayn, la bienfaisance envers les parents, même après leur mort. Tu as des enfants, tu dois étudier comment on éduque ses enfants. Tu veux te marier, tu dois étudier les droits et les devoirs entre les conjoints. Et ainsi de suite, tu dois être clairvoyant dans ta vie. Tu veux faire du commerce, tu veux vendre, tu veux acheter, tu veux travailler. Tu dois étudier. N'entre pas dans la vie de dunya et dans la vie de din comme une personne qui va marcher, comment est-ce qu'on appelle ça, sur un chemin plein de tortuosité ou marcher dans des sables mouvants. Non, marche sur la terre ferme, sur un chemin droit, le plus rapide vers ton but. C'est quoi ce chemin droit? Cette terre ferme, c'est la science. C'est la science. L'image du savant dans le village est à l'image d'un homme qui a une lanterne. Et tout le village est plongé dans la pénombre, dans les ténèbres. Ils doivent traverser un champ, un bois, plein de bêtes féroces et de serpents et de trous. Ils sont arrêtés, ne savent pas où se diriger, vers où se diriger. Et c'est alors que subitement arrive ce savant avec une lanterne. Il éclaire tout le chemin et il marche derrière lui. Et il leur dit, venez, je vais vous guider sur les pas du messager. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le savoir. Et lorsqu'il meurt, c'est comme s'il est en plein milieu du chemin et que la lanterne n'avait plus, ne pouvait plus éclairer, qu'il n'avait plus d'essence ou autre. Subhanallah. Profitez tant que les savants sont vivants, voyagez vers eux, allez les visiter, allez prendre leur science. Si vous ne pouvez pas, alors à leurs élèves. Si vous ne pouvez pas, alors aux élèves de leurs élèves. Prenez la science chez les gens de la sunna. Déplacez-vous. Vous ne pouvez pas vous déplacer? Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Apprenez. Naam. Il y a. Yani, on a en ligne. Mada, les cours en ligne, les sentiers apprenants. Il y a les frères. À la sunna, les frères de l'Institut Sunna. Naam. Il y a notre frère. Mada Ali, qui fait aussi des cours. Il y a le frère Sadr. Et beaucoup d'autres que je ne connais pas. Mais. Qu'importe. On espère qu'ils sont connus auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikoum. Allez rechercher la science chez les gens de la sunna. Et viendra un moment où ces gens qui enseignent ne pourront plus enseigner pour une raison ou une autre, ou ils partiront pour une raison ou une autre, ou ils décéderont. Et tu diras, oh, j'aurais tant aimé étudier. Combien regrettent ces assises de science qu'il y avait dans telle ou telle mosquée? Combien ont pleuré alors qu'ils n'assistaient que peu malgré la capacité? Mais ça, c'est un tawfiq. C'est une assistance, c'est une aide, c'est une guidée qu'Allah accorde à qui il veut. Wallahu dhul fadl azim nas'aluhu min fadlih. Donc les compagnons allaient vers le prophète sallam et posaient leurs questions. Le prophète sallam leur a répondu que le plus noble d'entre eux auprès d'Allah est le plus pieux. Remarquez, auprès d'Allah. Certains cherchent à briller chez les créatures d'Allah. Non. Ton lien doit être élevé. Ton lien doit être sami, il doit être élevé. Tu dois toujours chercher ta place chez Allah, vers le haut. Tu dois converger vers le haut, pas vers le bas. Ad-dunya, on l'appelait dunya parce qu'elle est dani, elle est basse. Pourquoi tu veux converger vers le bas? Pourquoi tu veux aller dans les profondeurs? Pourquoi tu veux aller dans les profondeurs? Élève-toi. L'élévation, c'est ça la noblesse. Pourquoi aller vers le bas, vers les gens? Que penses-tu de moi? Que penses-tu de moi? Non. À moins que ce soit ton père, à moins que ce soit ta mère, à moins que ce soit ton époux, à moins que ce soit ton enseignant. Oui. Là, c'est très important. On ne dira pas comme les gens. Ah, je ne me soucie guère de tout ce que pensent les gens de moi. Ce qui m'importe, c'est moi et j'ai un rêve. Et... quel rêve? Réveille-toi. Non. Ça, c'est la vraie vie. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Tu dois chercher l'agrément de tes parents. Tu dois chercher l'agrément de ton époux. Non. Tu ne peux pas ne pas te soucier de ce qu'on pense de toi. Mais à l'échelle générale, tu ne dois pas tomber dans ce dans quoi sont tombés les gens des réseaux. Naam. Jusqu'à faire de la chirurgie esthétique, jusqu'à trafiquer, j'ai oublié comment est-ce qu'on appelle ça, des filtres. Naam. Jusqu'à paraître ce qu'ils ne sont pas dans la vraie vie. Jusqu'à, subhanallah, changer pour avoir l'agrément et la validation des gens. Allahu Akbar. Ils vivent dans un monde virtuel. Puis la vraie vie les rattrape et la vraie mort les rattrape et ils sont ressuscités pour vivre une vie éternelle selon ce qu'ils ont semé dans ce bas monde. Réveillons-nous. Ça, c'est la vraie vie. L'agrément qu'il faut chercher, Khwanil Kiram, à qui il faut chercher à plaire? À Allah Azza wa Jal. Si t'es bon chez Allah, personne ne pourra te salir. Si t'es mauvais chez Allah, personne ne pourra t'embellir. Prends-la en tant que règle. Si t'es bon et t'es beau chez Allah, personne ne pourra t'embellir. Personne ne pourra te salir. Et si t'es mauvais et laid chez Allah Azza wa Jal, personne ne pourra t'embellir après ça. Donc cherche ta place chez Allah. Sois sincère et véridique. Et si t'es aimé chez Allah, réjouis-toi. Parce que lorsqu'Allah aime une personne, il appelle Jibril. Il dit, oh Jibril, j'aime un tel, aime-le donc. Jibril appelle les gens des cieux. Allah aime un tel, aime-le donc. Et on répand son agrément sur la terre. Et on répand son agrément sur la terre. Donc, quelle est la grande règle en islam? Le plus noble d'entre vous, chez Allah, c'est le plus pieux. D'accord, on veut tous être le plus noble chez Allah. Alors, il faut étudier quoi? C'est quoi la piété? Qu'est-ce que la piété pour espérer être le plus noble chez Allah? Allah nous dit dans Sourate Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Oh vous les gens, on vous a créé d'un homme, d'un mâle et d'une femelle. Non, on vous a créé d'un mâle et d'une femelle. Et on a répandu d'entre vous beaucoup de peuples, de tribus, afin que vous vous rencontriez. Et certes, le plus noble d'entre vous, chez Allah, est le plus pieux. Naam, qu'est-ce que la piété? La piété, à la base, en langue arabe, c'est le wiqaya. Taqwa, c'est min al-wiqaya, c'est la préservation, c'est te protéger d'une chose. Tu mets un rempart entre toi et la chose que tu redoutes. Si tu as froid, tu mets une veste pour te protéger du froid. On appelle ça taqwa. D'accord? Tu marches, tu mets des chaussures pour te protéger du sol, n'est-ce pas? Mais comment te... être taqwa dans l'islam, c'est quoi dans le dîn? C'est te préserver de la colère d'Allah. Te préserver du châtiment d'Allah. Et ça, c'est pas avec un vêtement. Plutôt, c'est pas avec une veste. Et c'est pas avec des chaussures. Mais c'est avec deux choses juxtaposées. La première, faire le bien avec science en espérant la récompense d'Allah. La deuxième, délaisser le mal avec science en redoutant le châtiment d'Allah. Deux choses, celui qui les réunit est pieux. La première, il fait le bien avec science en espérant la récompense d'Allah. La deuxième, il délaisse le mal avec science par crainte du châtiment d'Allah. C'est ça la piété. C'est ça la piété. Pour être pieux, il faut apprendre. Comment tu vas faire un bien, tu ne le connais pas? Il faut que tu apprennes les chapitres du bien pour pouvoir entrer dans la piété. Aussi, tu dois espérer la récompense. Tu fais parce que tu espères la récompense chez Allah. Tu espères qu'Allah accepte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu dois délaisser le mal. Mais si tu n'étudies pas, comment tu vas savoir que ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est bien? Tu dois apprendre le mal pour l'éviter, pour t'en éloigner. Et quand tu délaisses le mal, ce n'est pas parce que tu ne le veux pas, c'est parce que tu as peur d'Allah aussi. Parce que tu as peur d'Allah. Donc celui qui réunit ces deux choses-là, c'est le pieux. Et Talq ibn Habib, un des plus prédécesseurs, a dit « At-taqwa an ta'amala bi ta'atillah. Ala nourin min Allah, tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'asiyat Allah. Ala nourin min Allah, takhafu azab Allah. » Talq ibn Habib a réuni ces deux points et auprès des savants, cette définition est une des meilleures définitions de la piété. Donc il faut absolument faire ce qu'Allah nous a ordonné et délaisser ce qu'il nous a interdit. Et il faut absolument la science, il faut absolument l'espoir et la crainte. Barakallahu fikum. Et rappelez-vous dans le pèlerinage d'adieu ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les gens, inna rabbakum wahid. Votre Seigneur est unique. Wa inna abakum wahid. Et votre Père est unique. C'est Adam alayhi salam. Naam. Et il n'y a pas de mérite. Et vous êtes tous de Adam. Et Adam est de là. Et Ali de Turab, de la terre. Il n'y a pas de mérite. Du blanc sur le noir, du noir sur le blanc, de l'arabe sur le non-arabe, et ainsi de suite. Si ce n'est avec la piété. Si ce n'est avec la piété. C'est ça notre règle. C'est ça notre règle. Les compagnons disent, ça n'est pas à ce sujet que nous t'interrogeons. On tire ici que, comme science, que lorsque tu poses une question à ton cheikh, s'il te répond, mais ça n'est pas ce à quoi tu faisais allusion, de lui citer la chose, de l'informer, afin de repartir avec la science recherchée. Afin de repartir avec la science recherchée. Le prophète a alors dit, le plus noble des gens, c'est Youssouf. Le plus noble des gens est Youssouf. Car il y a la noblesse de la lignée et la noblesse de la piété. La noblesse du rang et de la piété de la lignée. Car Youssouf alayhi salam, c'est un prophète, n'est-ce pas? Son père, qui était-il? Yaqub alayhi salam, c'est également un prophète. Et le père de Yaqub, qui était-il? Ishaq, lui aussi, c'est un prophète. Et le père de Ishaq, qui était-il? Khalil ar-Rahman, Ibrahim alayhi salam. Donc les quatre, Allahu Akbar. Naam. Ibrahim a eu deux enfants, n'est-ce pas? Ismaïl, le premier, Ishaq, le second. Ishaq a eu des enfants, Yaqub. Yaqub a eu beaucoup d'enfants, et parmi eux, Youssouf, alayhi salam. Donc, Youssouf, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim, alayhi salam. En cela, il est le plus noble. Donc, la noblesse de la prophétie, la noblesse du mada de la lignée et du comportement et des nobles qualités. À nouveau, ils dirent, ça n'est pas ce sujet que nous t'interrogeons. Alors le prophète a dit, فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ. C'est-à-dire, vous me demandez sur les bases des Arabes, sur la spécificité des Arabes, alors le prophète sallam a dit, allez, pourquoi est-ce qu'il a dit ça déjà? Car les Arabes, parmi leurs spécificités, c'est qu'ils accordaient énormément d'importance à la noblesse, à la lignée, au nom de famille et ainsi de suite, aux tribus. Et de cela, grandement, ils se vantaient. Et ils rivalisaient. Et ils rivalisaient. Lorsqu'une famille était généreuse, la deuxième famille essayait d'être encore plus. Si une famille sacrifiait un chameau, eux, ils venaient en sacrifier 10 pour avoir la plus grande renommée. Naam. Et à travers cela, les poètes ont régné. Car avec leur poésie, on pouvait élever grandement une famille sur des siècles, on pouvait en rabaisser une autre grandement sur des siècles. Et si on avait le temps, on aurait mentionné beaucoup de poèmes à ce sujet. Même si en réalité, il n'y a qu'Allah Azzawajal qui élève réellement et qui rabaisse réellement. Alors le prophète a donné la grande règle. فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُوا. Les meilleurs d'entre vous, ceux qui étaient les meilleurs d'entre vous dans la période anti-islamique, seront les meilleurs en islam s'ils apprennent leur religion et la comprennent. Parce que le fiqh, c'est le fahm, c'est la compréhension. C'est-à-dire, voyez-vous vos tribus? Celles qui rivalisaient et celles qui se concurrençaient pour avoir la plus haute place dans la force, dans la générosité, dans Mada, le fait d'honorer les voisins, dans le fait de secourir le faible, et ainsi de suite. Vous avez beaucoup de qualités, les Arabes, même avant l'islam. Même avant l'islam. Dans le fait de nourrir les pauvres, dans le fait d'aider les orphelins, dans la générosité, dans la noblesse, dans l'accueil de l'invité, et ainsi de suite. Vous voulez savoir maintenant, ben si vous étiez comme ça, ainsi, et il y avait la concurrence entre vous, si vous venez avec ces qualités-là, et que vous apprenez l'islam, alors vous serez les meilleurs. Donc, on garde les qualités d'avant, mais on les fait passer dans le filtre de l'islam. Et donc, si vous apprenez l'islam, et vous vous instruisez en islam, vous serez les meilleurs. Qu'est-ce qu'on doit retenir ici? Quelle est la grande règle et la grande leçon? C'est que le meilleur en islam, c'est celui qui prend la science utile et applique les actions pures. Très simple règle. Plus tu as de la science utile, c'est-à-dire la science du Coran, de la Sunna, et plus tu mets en pratique cette science, au plus tu es le meilleur chez Allah Azza wa Jal. Au plus tu es le meilleur chez Allah Azza wa Jal. Et on a le célèbre hadith, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. L'élévation, la vraie élévation réside dans la science. Allah dit dans le Coran, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élève ceux qui parmi vous ont la foi et ceux qui ont la science dans les hauts degrés. Toute personne qui a l'iman, qui a la foi, est élevée chez Allah une place. Mais ceux qui ont la science, eux, sont élevés dans les hauts degrés. On dira au lecteur du Coran le jour du jugement dernier, lis, psalmodie et élève-toi, ta place au paradis sera au dernier verset que tu auras récité. Allahu Akbar. Les savants, les gens du Coran seront dans les hauts degrés du paradis. Même les enfants des savants du Coran, même les enfants des mémorisateurs du pardon, même les parents des mémorisateurs du Coran, par la baraka du Coran, auront une place. Le jour du jugement dernier, on prendra les parents de ceux qui ont mémorisé le Coran. On les vêtira des plus beaux vêtements du paradis. Et on les couronnera. On leur mettra une couronne. La lumière du soleil ne sera pas aussi étincelante que celle-ci. Ils diront alors, comment se fait-il que nous avons été vêtus ainsi? On leur dira, de par la mémorisation de votre enfant du roi. Allahu Akbar. Vous voulez être élevé? C'est la science. Vous voulez être élevé? C'est la science. Vous voulez le bien, que vos enfants soient les meilleurs? C'est la science. Tout le monde veut que ses enfants soient les meilleurs. Mais qui inscrit ses enfants au cours de Coran? Qui recherche des enseignants pour le Coran? Qui dépense pour que ses enfants mémorisent le Coran? Hein? Lorsqu'on va faire nos courses à Lidl, à Leclerc, à Carrefour, à Marjane, ici et là, hein, on n'a pas de lourdeur à poser l'argent. N'est-ce pas? Il nous dit 500 dirhams, maza, 100 euros, 80 euros, kada, kada. Ah, il n'y a pas de problème. Il ne dit pas, attendez, monsieur, il enlève les chocolats pour lui, il enlève le Kinder pour elle, il enlève les maza, les bonbons pour les enfants, il enlève. Non, il ne fait pas ça. Il paye, il est fier, il dépense pour sa famille, alhamdoulilah, Allah lui a donné du bien, il fait du khair, il n'y a pas de problème. Peut-être il crise un peu à la fin du mois, quand il a les autres factures. Par contre, quand il faut payer pour que son enfant apprenne l'ilm, dit c'est cher. Quand il faut payer pour inscrire son épouse au l'ilm, c'est cher. Quand il faut lui s'inscrire au l'ilm, c'est même plus une question d'argent, c'est il n'a pas le temps, j'ai pas le temps. Hein, je suis occupé. Mashallah, pour Allah, t'as pas yani, une heure par semaine. Pour Allah Azza, t'as pas deux heures par semaine. T'as pas quatre heures par semaine. Pour Allah Azza wa Jal, pour connaître ton Seigneur qui t'a créé, qui t'a tout donné, t'as pas 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures par semaine. Mais quand tes amis t'appellent pour aller faire un match de foot le dimanche matin, alors que t'es épuisé, que t'as travaillé toute la semaine et que t'arrives pas à te réveiller pour l'adoration de celui qui t'a créé, tu te lèves et tu vas faire un match de foot et tu cours après une balle pendant des heures. Et quand tu finis, t'es pas fatigué. Ça, t'as le temps pour ça. Hein? Et quand elle t'appelle pour voyager, hein, au bord de mer, ou pour voyager dans tel pays, ou pour aller au restaurant et rester des heures, hein, pour que tu restes des heures, ça ne te dérange pas. Pourquoi? Parce que ton âme aime ça. Et parce que tu as connu la valeur de ça et le goût de ça. Tu prends goût à ça. Ya akhil karim, wallah, le goût de la science. Hein, rien n'est qui ne lui est équivalent dans la terre. Wallah, une faïda de la science dans le domaine des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, elle te fait oublier toute ta famille, elle te fait oublier tous les plaisirs de ce babout. Un jour de science, ça peut te faire oublier toute la dunya. Mais c'est nos cœurs qui sont malades. Wallahi al-azim. C'est nos cœurs qui sont malades. Et il y aura bientôt, inshallah ta'ala, une conférence de notre frère Sadiq Abu Yahya. Na'am. Un dimanche prochain. Bi'idhnillah, j'ai oublié la date. Je vous la recommande vivement. Et des perles précieuses seront distribuées. Naam, assis où vous serez, en marchant ou en conduisant où vous serez. Et ces perles précieuses vont vous parvenir, inshallah, dans vos oreilles. Ne manquez pas cette conférence. Naam, j'ai eu Mada. Il m'a envoyé de ses trésors et de ses joyaux et de ses perles précieuses. Naam, si j'avais ouvert une bijouterie, je serais multimilliardaire. Et il va vous dispenser de cela, inshallah, qu'Allah lui accorde la réussite. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. C'est ça le chemin, ikhwan et kiram, le chemin de l'élévation. C'est ça le chemin de la noblesse. Moussa alayhi salam, c'est le prophète Kalimullah. Et il voyage à la recherche de l'Khadir parce qu'il a une science que Moussa ignore et c'est le prophète de Banu Israël, le meilleur d'entre eux. Il voyage, c'est un prophète, Allahu Akbar, pour une science. Faman nahn. Qui sommes-nous, nous? Il faut rechercher la science, Ikhwan al-Kiram, un peu. Naam. Et l'ensemble des petits points vont former un trait. Et l'ensemble des petites pierres vont former une montagne. Aujourd'hui, tu prends un peu. Demain, tu prends un petit peu. Et tu verras. Bi'idnillah Azza wa Jal, tu apprends un hadith. Aujourd'hui. Après-demain, tu apprends un deuxième. Demain, tu révises. Ça te fait deux hadiths en quatre jours. En huit jours, ça te fait quatre hadiths. À la fin du mois, tu as tant de hadiths. À la fin de l'année, tu regardes. Tu dis Allahu Akbar. Subhanallah. Mais je ne suis pas bête. Bien sûr que tu n'es pas bête. Mais il faut commencer. Mémorise. Tu veux des hadiths? Contacte-moi, je vais te donner des hadiths. Et on va trouver des gens sur qui tu pourras réciter le hadith. Puis mémorise un verset. Puis un deuxième verset, trouve des gens qui vont te lire le Coran, tu vas écouter, tu vas te corriger auprès d'eux. Puis deux versets, et tu verras, bientôt tu apprendras une demi-page. Puis tu apprendras une page par jour. Tu vas dire, subhanallah, moi j'arrive à apprendre, bien sûr. Tu pourras apprendre même deux pages, même trois pages. plus tu t'entraînes, plus tu réussiras à mémoriser. Naam, plus tu t'entraînes, plus tu réussiras à mémoriser. Et pour finir, naam, pour finir sur l'encouragement à la science, car c'est ainsi qu'on attend, pardon, qu'on atteint la mada, la noblesse. Une petite fille de 8-9 ans. Naam. Naam, de 8 ans. Était en cours d'arabe. Et le texte lui était très compliqué. Car ça n'est pas ça. Et le texte portait sur l'étude en laboratoire et la médecine et la recherche médicale et le coronavirus. Et des textes pointus, spécifiques, difficiles. Et un autre texte sur la NASA et ainsi de suite. Elle dit, je ne comprends pas grand-chose de cela, mais j'ai reconnu tel mot, tel mot, tel mot. Elle a avancé, elle a persisté, elle a persévéré, elle a révisé un peu avec son père et ceci et cela. Et elle disait, c'est un peu difficile, mais Allah facilite. Et plus elle lisait le texte, aujourd'hui elle lit le texte, demain elle relit le texte, le lendemain elle relit le texte, elle fait l'étude de texte. À la fin, tellement elle faisait des efforts, qu'Allah Azzawajal lui a facilité, sans qu'elle le recherche, à mémoriser du texte. Sans lire le livre, elle se met à lire, à, comment dire, à réciter du texte. Et Allah nous dit aussi le Coran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Allah nous a facilité le Coran. Ça, ce n'est pas le Coran, c'est un texte qui est difficile. La fille Hafidah Allah, à force de s'entraîner, de faire des efforts, elle a mémorisé un bout de texte. Subhanallah, elle récite comme ça. Si ça, c'est pour un bout de texte, c'est Khwan al-Kiram, que pensez-vous si on persévère dans le Coran? Allah va nous faciliter. Allah va nous faciliter. Et ne dis pas, oui, mais à l'école, j'avais du mal, oui, mais... Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le partage d'Allah. Il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Demande à Allah l'aide et l'assistance. On demande à Allah, Azza wa Jalla, la noblesse. On demande à Allah la science utile et les actions pieuses. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina. وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين واقض الديون عن المدينين. On a plusieurs frères qui ont leur mère malade, d'autres qui ont leur père malade, d'autres qui ont leurs enfants malades. Et ainsi de suite, on demande à Allah Azza wa Jalla d'accorder à l'ensemble na'am, la guérison. Et il y a une jeune fille na'am, qui a fait dernièrement qui a passé des tests et ses résultats na'am, sont une épreuve pour elle. Elle demande des du'as. On demande à Allah Azza wa Jalla, wa huwa ala kulli shay'in qadir, yashfiha, qui lui accorde la guérison. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.